Le porte-parole du Comité national pour la paix en Corée a publié le 2 un entretien. En voici le résumé. À peine conclu l'accord sud-coréen-japonais sur la protection des renseignements militaires, le commandant des GIS en Corée du Sud l'a estimé le 23 novembre comme un accord permettant de renforcer la posture de riposte à la menace de la Corée du Nord et comme une mesure susceptible d'intensifier la collaboration entre les armées sud-coréennes et américaines, alors que la Maison-Blanche a publié une déclaration en faveur de cet accord et le Pentagone l'a apprécié comme une mesure très importante et positive en soulignant que les États-Unis l'ont soutenu activement dans le passé. L'ex-assistant au sous-secrétaire d'État américain chargé des problèmes de l'Asie Est-Pacifique a avoué que le gouvernement américain a encouragé depuis longtemps la conclusion de l'accord sud-coréen-japonais sur la protection des renseignements militaires, tout en participant lui-même aux discussions relatives à l'accord. Cela montre que la conclusion de l'accord en dépit de l'extrême crise politique en Corée du Sud et de la protestation véhémente des Sud-Coréens est due à la pression et à la manipulation tacite des Américains et que ce dossier est destiné à appliquer la stratégie de domination américaine en Asie. Par la disposition de SAD en Corée du Sud et la conclusion de l'accord en question, les États-Unis sont entrés à l'étape principale pour appliquer leur stratégie d'hégémonie visant à prendre en force la supériorité en Asie Nord-Est et à maîtriser les puissances périphériques et la sécurité dont la péninsule coréenne et le reste de la région souffrent de la menace grave. À présent, les Américains, pour resserrer les liens militaires sud-coréo-japonais, suscitent à conclure aussi un accord sur la logistique entre l'armée sud-coréenne et les forces d'autodéfense du Japon en cas de guerre dans la péninsule coréenne. La réalité montre que les États-Unis sont les perturbateurs de la paix et de la stabilité dans la péninsule coréenne et en Asie Nord-Est, et auteurs de la tension militaire et de la crise de guerre. Les Américains doivent renoncer à la politique hostile à l'égard de la Corée de nature anachronique, à l'ambition de domination de l'Asie de nature téméraire et à l'alliance militaire tripartite causant des conséquences graves. Toutes les couches sociales sud-coréennes sont invitées à ne point tolérer les démarches américaines de réduire toute la Corée du Sud en champ de guerre nucléaire au profit des puissances, à destituer dès que possible Bakounet, qui vend sans hésitation la dignité et les intérêts de la nation aux suzerains américains et japonais pour survivre et à lutter plus vigoureusement pour annuler l'accord traître.